Faites ta gaffe, neige. You want to see this thing through? I'm gonna have to get dirty. Sicario 2, Day of the Soldado à l'international, le jour du soldat au Québec ou la guerre des cartels en France et en Belgique. C'est donc le nouveau film de Stefano Sollima, le réalisateur italien qui nous avait régalé il y a quelques années avec Suburra. Il avait aussi travaillé sur la série Romanzo Criminale et aussi la série Gomorra. Donc c'est la suite du film de Denis Villeneuve qui reste ici crédité à la production. Et il est toujours écrit par Taylor Sheridan, le réalisateur et scénariste de Wind River, mais avant ça, scénariste du premier Sicario et aussi de Comancheria. On ne retrouve pas cette fois-ci Emily Blunt, mais on retrouve du premier épisode Benicio del Toro et Josh Brolin. Il y a aussi Catherine Keener qu'on retrouve après Get Out et la jeune Isabella Moner qui incarne ici Isabella Reyes, la fille d'un chef de cartel qui a un rôle assez important dans le film. Donc le film commence par un attentat qui a lieu dans un supermarché à Kansas City. Et suite à cet attentat, il semblerait que les cartels mexicains soient responsables de la venue de la traite des êtres humains issus du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord vers le Mexique, puis vers les États-Unis. Du coup, les États-Unis, en tout cas enfin, l'administration américaine, saute sur l'occasion pour tenter de créer une guerre de cartels afin que qu'ils s'autodétruisent. Pour cela, ils font de nouveau appel à Josh Brolin, qui va de nouveau faire équipe avec Alejandro, donc c'est le retour de Benicio del Toro. Ensemble, ils vont décider d'enlever Isabella Reyes, la fille d'un terrible chef de cartel. Voilà pour le pitch. Mais je vais commencer sur le film Sicario 2, et je vais commencer avec un regret. Je regrette de ne pas avoir vu un film de Denis Villeneuve. Puisque malheureusement, je n'avais pas vu le premier Sicario avant, et je crois que ça a son importance quand on voit ce film-là. Je m'explique. Je pense que j'aurais dû rattraper mon retard parce que j'avais l'impression finalement de voir une espèce de chaînon manquant entre deux volets. Donc moi, ça m'a posé quand même pas mal de problèmes au point de vue du spectateur. Il semble ici que le personnage central soit le personnage de Del Toro, que le cœur du film est aussi centré sur le personnage de Del Toro. Et du coup, il me manquait des morceaux en fait, pour raccrocher à ce personnage-là. Par contre, voilà, ce qui m'a plu ici, c'est que j'ai pu raccrocher directement sur les nouveaux personnages, notamment donc, cette jeune fille des chefs de cartel qui est kidnappée, qui a un jeu très intense en fait. C'était elle, son arc narratif, que moi je suivais en priorité. Et il y a aussi un autre personnage qui est un jeune hispano-américain qui, malgré le peu de scènes qu'il a, est assez intense. Après, les scènes d'action sont plutôt nerveuses, très réalistes. Comme ça, il y a un effet vraiment voilà, de réalisme sur les scènes d'action, notamment l'enlèvement de la jeune fille au début du film. Il y a une montée de tension assez forte, à un moment justement où on revient dans la réalité des passeurs sur la fin du film et on n'est pas au niveau méta avec les pontes de la CIA et où donc Benicio del Toro essaye de faire passer la frontière à un autre personnage. Donc moi je regrette juste de ne pas avoir vu le premier film, mais Manu, tu vas pouvoir sans doute pouvoir expliquer un peu davantage. Day of the Soldado, le film de Sollima, en fait reprend des personnages du premier film, mais le degré de connexion qu'il y a avec le 1 est très léger, au point que tu ne sais pas à quel point si le film se passe avant ou après. Le seul élément lié au passé de Del Toro et de ses motivations, elles sont données lors d'une des séquences, je pense, les plus belles du film, qui est la séquence très western où il se pose à moitié de film à la frontière avec Isabella. La grosse différence avec le film de Villeneuve, le personnage d'Emily Blunt, comme entrée dans le récit, c'était un non-sens absolu, c'était une façon très confortable de se tenir à distance de tout ce qui se passait et de désamorcer en fait toute l'ambiguïté des personnages. C'était un peu My Wayne dans Police. Ouais, on peut dire ça, mais c'est cette manière d'avoir un personnage qui n'est qu'un spectateur et en plus qui n'était même pas crédible, puisqu'on était avec quand même affaire à une femme élevée dans la hiérarchie du FBI. Ça posait vraiment un souci d'identification. Donc pour le coup, là, je trouve que tout l'intérêt de ce film-là, c'est de plonger au cœur de l'action auprès de vraiment de ces personnages qui sont des barbouzes, hein, ni plus ni moins. n'être jamais confortable. Le personnage de Brolin fonctionne très bien en dynamique avec le personnage de Del Toro. Il est dans les personnages qui m'apportent une certaine émotion à la fin. On ne va pas dévoiler comment le film se clôture, mais tu as toute une dynamique qui tourne autour de la place d'Isabella. Une décision que va prendre Brolin à la fin du film et qui fait écho à une scène que tu as eue auparavant d'échange entre les deux personnages par téléphone interposé, où en fait tout se dit dans les creux du dialogue et tu sens une forme de respect entre ces deux personnages et de ce qui va devoir se passer par la suite. Je trouve que c'est une scène pour le coup qui m'a vraiment fait penser, même si en termes de setting, elle n'est pas du tout de la même façon, elle me fait vraiment penser à la scène de confrontation et de dîner dans Heat. Pour moi, c'est vraiment ça, cette scène-là entre Del Toro et Brolin. Donc voilà, moi je trouve que c'est un film dès le début, parce que tu dis que ça commence que sur un attentat, mais ça s'ouvre en fait sur une double tentative d'attentat. Et justement, l'idée de est-ce que le terrorisme emprunte la voie des cartels et des passeurs. Le film est plus nuancé que ça, parce que tu te rends compte qu'en fait que la politique des États-Unis est celle qui est menée en sous-main et représentée par Catherine Keener et Matthew Modine dans le film. En fait, il n'y a pas une volonté de changement ou quoi que ce soit. C'est juste un système d'opportunité à un moment donné. Donc le film est beaucoup plus nuancé. Et je trouve que dès le début, il a une façon sans artifice, pour le coup, en ne prenant pas la poste comme chez Villeneuve, où Villeneuve constamment s'attardait sur un rideau, une lumière qui rentrait, comme ça, où tu te disais, mais qu'est-ce que tu es en train de filmer? Là, il y a une façon de te maintenir constamment en tension, parce qu'au final, il y a peu de scènes d'action, il n'y en a pas tant que ça dans le film, c'est vraiment un film de tension. Il te crée une tension absolue et il joue constamment de cette idée de violence endémique et où tout est possible et qui ne va pas avoir de fin. Et je trouve que c'est ça que tu retrouves à la toute fin du film avec le personnage de Brolin et sa confrontation avec Isabella. Le regard qu'ils ont à la toute fin du film, à la fois ça peut te sonner comme une sorte de rédemption vis-à-vis du personnage de Brolin qui prend un moment une décision, mais tu sais qu'en face, rien ne sera oublié. Le regard d'Isabella est très clair à ce moment-là. Après, j'ai un petit souci sur les cinq dernières minutes du film, liées à la trajectoire de Benicio del Toro, que je trouve assez nébuleuse, que je n'arrive pas complètement à cerner à la première vision. Première vision, parce que tu as vu le film combien de fois, Manu ? Parce que j'ai vu qu'une fois. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant dans cette cinq dernières minutes et dans la manière dont se boucle complètement l'arc de Del Toro. Mais je trouve que tout le reste du film, le film est extrêmement brillant, une caractérisation de personnage auquel tu es rarement habitué dans du cinéma, entre guillemets, de divertissement, mais plutôt adulte, et qui n'excuse jamais ces personnages-là. Non, ça, c'est vrai que le film ne s'excuse pas sur les personnages, c'est clair, mais moi, j'avais vraiment un problème de lecture, quoi. Je comprenais, j'avais du mal à comprendre les motivations et les enjeux du film et les enjeux des uns par rapport aux autres, des deux personnages principaux. Je trouvais que soit ils m'en donnaient pas assez, ou le film est peut-être trop opaque ou trop, tu disais, en sous-texte, en sous-main, je sais pas. Mais moi, j'avais vraiment un problème de clarté dans le film au niveau des enjeux psychologiques. Donc ça, c'est un problème d'écriture. Parce que moi, c'est aussi un problème. J'ai pas vu celui-ci, mais c'est exactement le problème. Contrairement à Manu, je trouvais que c'était en termes de mise en scène probablement le meilleur Denis Villeneuve, le premier Sicario. Par contre, j'ai des gros problèmes, en effet, sur la narration du film qui me perdait complètement et qui me désintéressait d'absolument tout ce qui se passe. Je trouvais, par contre, il y avait des vraies belles scènes de cinéma, peut-être un peu parfois poseuses, comme tu le dis, mais... Là, ici, le film n'est pas poseur du tout. Comme disait Manu, le film est tout en tension, il est tout en air, c'est clair. Donc, ça peut être un problème d'écriture. Ça peut être aussi un problème de mise en scène, parce que voilà, la mise en scène, t'es censé quand même montrer, incarner les enjeux de tes personnages par leur placement, par la bande son, par l'éclairage, par les acteurs. Moi je trouve que c'est assez clair, justement, par la manière dont ils placent les personnages, les regards qu'ils échangent ou qu'ils échangent pas. Je trouve que même si Taylor Sheridan, je trouve dans tous ses films, on retrouve pour moi des soucis qui sont liés vraiment à la manière de structurer le récit. Après, je trouve qu'il arrive à construire des personnages, le touch guy, à base de punchline, mais qui, au final, raconte quand même de la psychologie des personnages et de leur motivation, beaucoup plus qu'un dialogue. C'est souvent sous la forme d'une forme allusive, mais je trouve ça assez brillant pour le coup dans sa manière de dialoguer ses films, plus que de les structurer, quoi. Moi, je pense que c'est un, avec les défauts qu'il a, les défauts, je pense, de cette logique peut-être de franchise de cet univers-là, et de l'écriture de Sheridan avec ses atouts et ses défauts. Mais c'est un film bien plus habité, je trouve, qui n'est pas comme beaucoup de films de Villeneuve, avec un problème vraiment de mise à distance complet. Très bien. Je propose que nous enchaînions avec Hérédité. My name's Annie. My mom died a week ago. She was a very private woman. She wasn't altogether there at the end. Who's gonna take care of me? You don't think I'm gonna take care of you? When you die. Sorry, I recognize you from your mother. How was your relationship with your daughter? What? Peter? Charlie? Are you okay? Charlie? Lisa. Charlie! John. Please stop. Mom? Charlie! Mom? What's happening? Alors, Hérédité, c'est le premier long métrage écrit et réalisé par l'Américain Ari Aster, qui a fait plusieurs courts métrages avant qui ont eu des parcours dans les festivals. Ce film-ci est produit par les producteurs de The Witch. À l'affiche de Hérédité, on retrouve Toni Collette, donc longtemps après Muriel, Alex Wolff, Gabriel Byrne et Milly Shapiro. Le film, c'est un gros succès, enfin, se taille en tout cas un bon gros succès dans les festivals, et maintenant c'est une bonne opération commerciale, puisqu'il se traite la réputation d'être le nouveau film d'horreur de la génération. Sur l'affiche, c'est marqué l'exorciste de sa génération, des trucs comme ça, quoi. Le film commence le jour de l'enterrement de la grand-mère dans la famille Graham. Et sa fille, qui est interprétée par Toni Collette, est une artiste modéliste, on va dire. Et donc, elle se retrouve avec son mari, qui est interprété par Gabriel Byrne, et ses deux enfants, dans la grande demeure familiale au milieu des bois. Et suite à donc, la mort de cette aïeule, d'étranges événements vont arriver à toute cette famille, et particulièrement, dans une première partie du film, à la jeune fille qui est atteinte d'une légère forme d'autisme, on pourrait dire, qui s'appelle Charlie. Voilà, on n'est pas dans la fête à la maison, quoi. Ni dans la ch'tite de famille. Déjà, chapeau, Lee, d'avoir réussi à le pitcher tout en restant cryptique, parce que ça va être difficile d'en parler, je pense. On parle beaucoup de sa jumelléité, de sa soi-disant jumelléité avec l'exorciste. D'ailleurs, le film fait, je pense, une référence assez évidente au film, et il partage peut-être une structure comme ça qui exploserait en fin de film, peut-être presque dans un troisième acte. Mais moi, c'est surtout au malaise polanskien que j'ai pensé. Bah, d'abord, le côté paranoïaque du truc, et puis surtout sa manière de mélanger... de manière plus ou moins équivalente, terreur graphique et psychologique. C'est un film qui cherche, qui n'arrive pas systématiquement, mais qui arrive par instant, et c'est assez fort pour un film d'horreur, à créer l'effroi vraiment. Je trouve que c'est des personnages qui sont calibrés et qui essayent de fuir les archétypes, mais qui, tout en restant relativement juste. Peut-être que ces personnages fonctionnent parce que je trouve les acteurs dans l'ensemble assez bons. J'ai beaucoup de mal avec la fin. C'est difficile d'en parler sans en parler, mais qui tombe dans quelque chose de très traditionnel. Voilà, je vais peut-être passer la parole pour rebondir par la suite à l'un de vous deux, Manu, Oli. Ouais, bon, c'est sûr, n'est pas Polanski qui veut, ça c'est clair et net. J'ai pas trop aimé ce film. Tu dis qu'il emprunte des chemins un peu empruntés dans le cinéma d'horreur. Moi, j'ai juste l'impression qu'il ne sait pas où il va dans toute sa première partie. Toute la première partie, je me demande vraiment qu'est-ce que le mec est en train de me raconter. Il y a une espèce d'ambiance, il y a une espèce de malaise, il y a une bande-son un peu surchargée. Alors, pour en venir vraiment, je pense à moi, ce qui est le problème primordial du film, c'est une question de point de vue, quoi. C'est-à-dire que le mec sait pas quoi raconter, j'ai l'impression, parce qu'il papillonne d'un personnage à l'autre. Au début, tu as très clairement... Je pense qu'il trouve une certaine forme de terreur là-dedans, parce qu'en changeant de point de vue, on se demande toujours d'où va venir le mal. Et ça, je trouve que ça fonctionne très très bien jusqu'à la fin du film, enfin jusqu'à presque aux 20 dernières minutes, ou en tout cas à la dernière demi-heure d'un film qui fait plus de 2 heures, je crois. On se demande toujours à travers qui, entre guillemets, à travers quel personnage le mal va arriver. Et tout le temps, il nous perd là-dedans. Ça, je trouve que c'est quelque chose... Ça fait partie des qualités du film. Je trouve justement que c'est quelque chose qui fonctionne, parce qu'on ne sait jamais. Moi, j'ai l'impression que c'est un problème parce que du coup, je m'attache à personne, en fait. Alors que je trouve qu'il y avait vraiment la matière. Le personnage de la mère, bien sûr, est hyper intéressant. En plus, il est excellemment bien interprété. Ouais. Je trouve que le personnage le fils, moi, je trouve que l'acteur est vraiment très mauvais. J'ai vraiment avec lui. Les deux personnages masculins du film. Autant il y a des qualités pas. Sur les deux personnages féminins, autant les deux personnages masculins, je trouve justement le fils, comme tu dis... La direction d'acteur, moi, je trouve que ça se limite quasiment à du cosmétique. Il a la bouche un petit peu entrouverte, toujours en train de suer. Et un des soucis dont tu parlais du film, c'est justement cette bascule où tout d'un coup, à un moment, on va finir par basculer sur lui. Mais vu qu'il a quasiment été très peu développé ou traité, moi, j'y crois pas à cette bascule, à ces retournements de situation. Moi, je trouve la première partie plus réussie que le reste, parce que la première partie... J'ai pas dit que je trouvais que la deuxième partie réussie. Non, voilà, au moins la première partie, je trouve qu'elle est maladroite, mais elle est habitée. Je la trouve quand même habitée, et il y a une volonté plus proche du drame que de l'horreur qui fonctionne bien, avec notamment une très belle séquence de confession de la mère. Après, moi, le problème, c'est justement... Quand on me vend ça comme le nouveau grand film horrifique, je trouve justement la deuxième partie du film qui verse complètement dans l'horreur. Ça va pas du tout. Moi, je trouve tous les effets horrifiques qu'il essaye de mettre en place sont éculés. Les lévitations, le personnage de Toni Collette part totalement en sucette. Elle devient complètement hystérique sans aucune motivation logique, etc. Il y a vraiment un moment pour moi où à un moment, s'il avait poussé cette logique de drame jusqu'au bout, peut-être que j'aurais adhéré au film. Mais cet éclatement, tout d'un coup, ça redevient. Alors, c'est pas les gros jumpscares comme on a dans les productions actuelles, mais tout d'un coup, ces sortes d'effets un peu vieillots, datés, de lévitation au plafond, de plans alambiqués, etc. Ça marche pas, et moi, j'ai jamais peur pendant ce film-là. Je suis pas du tout en train de défendre le film. mais je disais que. Moi, juste au début, en effet, peut-être que le film qu'il vend au début il sera plus intéressant, mais il faut transformer. Je suis désolé, mais si au bout du tiers du film, il sait pas quoi faire, il y a un problème. Cette logique du drame, comme dit Manu, il la tient, sauf qu'il la transforme en allégorie à un moment. Et le problème, c'est pour ça que je dis que j'aime moins la fin, qui est beaucoup plus traditionnelle. Et un peu ridicule. Je suis pas un défenseur absolu du film, mais je lui trouve des qualités. C'est justement de tomber dans un schéma horrifique qu'on voit énormément, surtout pour le moment, j'ai l'impression, en tout cas depuis que tous les films d'horreur qui sortent... Depuis le succès de Conjuring. Hein. Traînent dans cette zone-là. Mais si ça avait été un drame familial qui s'était transformé en drame familial horrifique, vraiment, sans doute que j'aurais beaucoup plus apprécié, mais là... Ça garde ça jusque dans son dernier quart, quoi. Voilà, après, c'est clair que le film n'est pas complètement inintéressant. Et il a quand même quelques idées de mise en scène qui suit assez longuement sur le film. Notamment, je trouve tout le jeu avec les modèles, bon, c'est un peu lourd, mais ça fonctionne dans la thématique du film. Après, je trouve que par la suite, le film déploie assez peu ça. Il y a comme ça des logiques où il se disperse. Enfin, par rapport à ce que le film raconte et de qu'est-ce qui est arrivé finalement à cette famille-là, ce qui se passe dans le dernier plan aussi, et qu'est-ce que ça ramène comme mise en abîme de modélisme, je trouve ça, allez, lourd, mais pas mal. Voilà. C'est quand même, j'ai l'impression, souvent, quand un film d'horreur sort un peu du lourd, on avait eu ça avec Get Out, avec It Comes at Night, c'est des films qu'on vend comme étant des nouveaux films d'horreur qui transcendent le genre, etc., et qui sont pour moi des films tout à fait, enfin, je trouve respectables, mais qui sont clairement survendus. Bah, sur ces bonnes paroles, on va passer à Une prière avant l'aube. Billy, you fine? Boxing. Boxing, man, be chop, boy, my way. train. I'm a boxer, I can show you I can fight. I need to fight. Une prière avant l'aube, c'est le nouveau film de Jean-Stéphane Sauvert. Le film est une coproduction entre l'Angleterre et la France. Mais Jean-Stéphane Sauvert, c'est un réalisateur français qui a commencé comme assistant. Il a réalisé ensuite Johnny Mad Dog, qui avait été produit par Kassovitz sur Les Enfants Soldats. Et puis, entre autres, Punk, un téléfilm qui a relativement fait parler de lui, qui était interprété par Béatrice Dalle. Ici, il compte l'histoire réelle, apparemment, d'un boxeur Billy Moore, qui est interprété par Joe Cole, un boxeur anglais qui a été incarcéré dans une prison en Thaïlande pour détention de drogue. Et en prison, il se retrouve forcé de participer à des combats d'arts martiaux. Le résumé est un peu succinct et désincarné, parce qu'en fait, je n'ai pas vu le film, donc je vais laisser... mais qu'on génère en débattre en commençant par Manu. Déjà, ce n'est pas des combats d'arts martiaux, c'est juste de la boxe thaï. Moi, je trouve que ça fait plaisir de revoir en salle un film de Sauvert, notamment après son formidable Johnny Mad Dog. Après, c'est un film comme son précédent, je trouve, qui adopte une démarche assez proche du documentaire, mais aussi avec une grande stylisation à la fois visuelle, sonore. C'est un film qui a beau adopter un schéma très classique du film de rédemption par la boxe. Au final, ça accouche d'un objet filmique complètement non identifié, qu'il faut vraiment, à mon sens, apprécier en salle. Il y a une démarche ultra sensitive sur les textures. Dans ce sens, je trouve qu'il se rapproche assez d'un cinéma que peut pratiquer un Fabrice Duwels. Je trouve que l'interprète principal, Joe Cole, est assez époustouflant dans le rôle titre. Je trouve autant dans son investissement physique qu'émotionnel, surtout quand je me souviens de son physique de gringalet qu'il avait dans saison 4 de Black Mirror. Tu l'attends pas du tout dans ce registre-là. Et la manière dont le film alterne des moments de violence brute et des moments d'état de grâce. Il y a notamment une séquence d'entraînement sur le ring vers la fin du film où il arrive à saisir un moment dans un coin de ce ring le sourire de satisfaction du personnage de Joe Cole qui a accompli enfin quelque chose. Et tu as ce sourire où tu te retrouves tout d'un coup l'enfant qu'il a pu être à ce moment-là. Je trouve que c'est une manière comme ça de capter des choses assez fortes. Après, c'est un film qui est, je trouve, aussi hyper difficile à analyser, tellement ça relève de l'expérience pure et dure, qui est hyper déstabilisant dans sa manière de te faire rentrer dans le récit, puisque tu t'es aussi paumé que le personnage principal. Il y a une volonté de ne pas sous-titrer toute une partie du film quand il se retrouve dans cette prison en Thaïlande. Il y a une manière de heurter les mouvements de caméra, de systématiquement heurter tes attentes, constamment visuelles, sonores, tes repères. Le film se reconstruit un petit peu comme le personnage principal. Et voilà, je trouve que c'est un film assez étonnant. Je préfère personnellement Johnny Mad Dog. Je trouve qu'il y avait une émotion peut-être plus forte qui se dégageait de Johnny Mad Dog. Mais en tout cas, c'est vraiment un cinéma singulier qu'il faut vraiment apprécier en salle, absolument. Je pense que Manu a un peu tout dit. Je vais essayer d'ajouter ce que je peux ajouter. C'est un film charnel et primitif. Il n'y a jamais aucune distance. C'est sa force et peut-être aussi un peu sa faiblesse. Je pense que le film peut parfois être un peu trop littéral. Je trouve qu'il joue aussi très bien des ellipses. Il utilise ça de manière assez singulière et réussit ça avec beaucoup de talent. Et comment aussi il arrive à faire surgir des personnages que tout d'un coup qu'il incarne dans une scène et de manière hyper juste. Qui existe. Alors c'est vrai que moi je savais pas que c'était une histoire vraie, je l'ai appris à la fin du film. Il y a justement dans ce ressort de tout d'un coup comprendre à la fin du film, c'est un film entre guillemets autobiographique, dans l'utilisation justement du personnage qui a réellement vécu ces événements. À la fin du film, je la trouve assez belle, cette révélation en deux temps de son rôle et qu'est-ce qu'il incarne au début pour toi, dans l'image qu'il te renvoie, et après comment le film te souligne qui il est réellement. En effet, assez intéressant. C'est une éternelle vision de la rédemption, de se battre et de se faire face au père, avec lequel visiblement il y a une cassure, et à soi-même, puisque en effet, à la fin, l'acteur se retrouve face au véritable personnage qui pourrait très bien être aujourd'hui. Enfin bon, voilà. Non, ça, c'est un film, en effet, on peut en parler autant qu'on veut, c'est un film à vivre. Je ne sais pas si ça tient la seconde vision, je serais curieux, mais c'est une expérience en tout cas. Très bien, merci, ça donne envie. Ben, si il reste en salle, je vais me précipiter alors. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens. J'ai pas encore le résultat, mais je peux vous annoncer qu'il va falloir vous hospitaliser rapidement. Est-ce qu'il a déjà lu un de tes romans? Non, je lis pas tellement les vivants, c'est pour ça. Ah. Bah, vous n'aurez pu attendre très longtemps, je pense. T'es déjà venu chez nous? J'aime les gens qui passent moitié dans le godasse et moitié à côté. Je tombe mal, je peux pas me permettre une dernière romance. Je pars vivre à Paris. Vous allez me manquer. Tu sais qu'on pourrait se faire une belle vie tous les deux. On va finir par un film d'auteur français qui s'appelle Plaire, aimer et courir vite, qui a donc été écrit et réalisé par Christophe Honoré. Avec Pierre Deladonchamp, Vincent Lacoste et Denis Podalydès. Si ce film est au programme, c'est que Christophe Honoré est en tout cas un auteur maintenant dans le cinéma français assez respecté, tellement qu'il était en compétition à Cannes avec ce film. C'est notamment l'auteur de Dans Paris, Les chansons d'amour ou encore Métamorphose. Et Les malheurs de Sophie. Et Les malheurs de Sophie. Après Les malheurs de Sophie, il renoue avec le succès critique, en tout cas en France, et on peut dire que sans doute le film est issu d'une veine relativement autobiographique. Le film, donc, c'est au milieu des années 90, des années 90. Jacques, qui est interprété par Pierre Deladonchamp, est un écrivain séropositif. Il mène une vie sentimentale et familiale, disons, peu commune, surtout pour l'époque. Son voisin est incarné par Denis Podalydès. On le rencontre assez longuement dans le film, et puis on rencontre un autre personnage assez longuement, qui s'appelle Arthur, qui est interprété par Vincent Lacoste, qui a 20 ans, qui habite à Rennes, et qui commence à bien s'éclater avec sa bisexualité, notamment son homosexualité plus prononcée. Lorsque Jacques est invité à Rennes, il rencontre Vincent Lacoste, et ils passent la nuit ensemble, et peut-être entameront-ils une histoire d'amour ou une relation maître-élève, puisque le jeune Arthur se verrait bien lui aussi écrivain. Lucien, qu'as-tu pensé de ce film ? Je trouve le film tellement égocentré qu'il m'est impossible de ressentir la puissance de ce qui pourrait être une très belle histoire d'amour qui dépasse la mort. On sent, je trouve, une belle sincérité qui se traduit entre autres dans le fait que Honoré est beaucoup plus sobre qu'à l'accoutumée, je trouve. Et c'est plutôt une bonne chose pour ceux qui ne sont pas particulièrement friands de son cinéma d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte ? Pour moi, un mignon roman de gare qui vient après l'ambition de 300 battements par minute, qui travaillait le même sujet. Mais plus encore, qui n'était pourtant pas un film que je partageais pas l'engouement général. Je trouvais que c'était un film qui tenait la route. Enfin, en termes de cinéma, c'était quand même une proposition nettement plus conséquente que le film dont on parle là. Oui, c'est ça que je dis. Ça reste à discuter. Hein. Je trouve, pour lui citer quelques qualités, je trouve très étonnamment que les dialogues sont assez bien écrits. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser, de voir un parallélisme avec Call Me By Your Name et un film qui partage un peu les mêmes ambitions, à savoir une histoire d'amour qui est vouée à la fin, à un moment donné. Très bien. Alors, moi, je confesse mes lacunes cinéphiles ce soir, puisque c'était le premier Honoré que je voyais. Alors, combien t'en fasses ? Alors, c'est un film très, très, très, très, très ennuyeux. Très très long. Donc de nouveau, j'ai l'impression que Christophe Honoré ne sait pas trop ce qu'il raconte. T'en sais rien, t'as jamais vu ce film déjà. Non, mais je veux dire par rapport au film Hérédité. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il fait que en fait brosser les portraits de deux personnages de manière très longue et de manière très, Manu aime bien ce mot, programmatique. Et aussi la preuve que Christophe Honoré ne sait pas ce qu'il raconte, c'est que la catchline du dossier de presse, en gros, c'est une histoire d'amour qu'on ne sait pas si le personnage principal ne sait pas s'il doit s'autoriser une dernière histoire d'amour. Et c'est tellement pas incarné dans son film, en fait, ça, c'est tellement pas son film que le personnage va le dire comme ça dans une scène. Il va le dire. Oui, je ne sais pas si je dois m'accorder une dernière histoire d'amour, parce qu'en fait, le film il raconte pas ça. Le film il ne fait que dresser le portrait de la vie quotidienne de ces deux personnages. Les scènes qui sont non dialoguées, et qui sont bien mises en scène, je trouve, sont les scènes de drag gay. C'est-à-dire, au début, Vincent Lacoste va haranguer des gens dans la rue. Il y en a une autre aussi, quand Deladonchan part du théâtre et qu'il y a une espèce de quiproquo, voilà. Là, il y a un petit peu d'idées, je trouve. Cette scène-là, par exemple, elle tient très fort sur les dialogues. C'est là que je disais, par exemple, c'est un exemple des dialogues qui fonctionnent bien, ce que je trouve assez rare dans le cinéma français. Ouais, à des moments, ça te fait quand même saigner les oreilles. Hein, parce que des fois, ça sonne plus comme un récital d'étudiants de la Sorbonne que vraiment des dialogues de cinéma. Ça, par contre, c'est pas possible. Je veux dire, le personnage, la manière dont le personnage de Deladonchan... C'est extrêmement pédant, mais le personnage est pédant. Se comporte avec ce jeune garçon, à ce début de cette histoire d'amour, mais il est horrible, quoi. Il est insupportable, quoi. Mais pour le coup, je trouve qu'il Deladonchan l'interprète brillamment. Magnifique. Effectivement, c'est le moins pire. Après, je trouve que voilà, c'est un film extrêmement long. Le point fort un petit peu du film, qui est le personnage de Vincent Lacoste, un peu d'éléphant de magasin de porcelaine qui débarque, qui désamorce un petit peu tout. Au final, ça devient aussi un peu un problème parce qu'en fait, il n'est construit que comme ça. Ça reste un peu toujours sur le même registre, sur la même note avec lui. Et je trouve ça un peu problématique. Après, tu sens aussi qu'il a envie d'embrasser aussi beaucoup des thématiques et des parcours des personnages qui ont connu ces années-là. Il y a notamment une seconde histoire avec un jeune garçon qui est vraiment construit uniquement en opposition pour te montrer que Vincent Lacoste, lui, il est cool. Voilà, je trouve que j'ai pas grand-chose en fait à dire de ce genre de film-là, quoi. C'est un petit peu mieux que la moyenne de l'école des cahiers du cinéma, mais ça reste très très très anecdotique et très en ça pourrait être, quoi. Regarde comment est construit le climax du film, quoi. C'est de nouveau une espèce de scène de dialogue étirée sur 5 minutes avec une mise en scène hyper pauvre et incapable de te créer une émotion avec le personnage de Lacoste, parce qu'en fait il est montré encore une fois comme insouciant, il appelle le téléphone et il n'y a pas du tout cette notion de drame. C'est pour ça que je te dis, à un moment, moi il y a un moment, oui, ok, c'est sympa ce côté un petit peu, je te dis, hédoniste du personnage est assez, assez sympa, mais à un moment, il faut aussi que l'émotion affleure chez lui, et elle affleure jamais, tu vois. Il y en a d'un côté un qui porte le drame et la tragédie, et l'autre qui porte le désamorçage comique. On le sent aussi extrêmement nostalgique de cette époque, c'est presque un peu gênant. Ouais, moi je trouve aussi qu'il y a un espèce de romantisme très adolescent, un peu clichetonneux, c'est tellement cool de prendre des drogues, de brûler la vie par le debout, etc. Je trouve qu'il y a d'avoir une sale hygiène de vie, fumer des clopes, c'est tellement cool de fumer des clopes avec des gros plans sur les cigarettes. Enfin bon, je trouve qu'il y a une espèce de romantisme comme ça un peu, ou l'emploi de la musique aussi, que je trouve un peu, Benexien. Non, pas Benex. Oui, d'ailleurs, le film fait des références à Carax. Non, un peu à puéril, quoi. Carax et Benex, c'est pas non plus. Oui, mais c'est la même génération, Lucien. Très bien, ben on va finir par les conseils. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber schreie aber nicht. Leck mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Diesmal schlage ich in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner scheiß Karre in Holland. Mach zu. Trau dir nur. Was schlage ich zusammen, du. Trau dir nur. Wenn du zu frech wirst. Trau dir Dieser nur. Streit hier, nebenbei mitgefilmt, betraf den verdienstvollen Produktionsleiter Walter Sachser. Zufälligerweise war ich einmal nicht gemeint. Eurer Gewichse mit eurer Freundschaft, ich möchte deinen Dreck. Wir brauchen einen Fotografen. Verstehst du? Et bien sur ces bonnes paroles, on va passer au conseil. Lulu, qu'as-tu donc dans ta besace? Moi, je vais vous parler d'un film qui est sorti il y a déjà un petit moment sur Netflix, qui est le dernier film en date de Werner Herzog. C'est un documentaire qui s'appelle Into the Inferno, en anglais, au-delà de la fournaise, je crois, en français. Je le regardais parce que voilà, un documentaire sur les volcans par Herzog. Quoi que fasse Herzog, ça me paraît intéressant. Et c'est dingue comme il arrive à dépasser complètement son sujet. Au début, on se dit que ça va être un documentaire assez classique. Et puis rapidement, ça bifurque, ça devient un truc, une sorte de poème filmique sur la beauté des volcans en Islande et à l'époque des Vikings. Et puis ça part sur un truc très politique en Corée du Nord. Toute une scène que je trouve absolument formidable où ils sont dans le désert le plus chaud du monde. En Éthiopie, où il fait une moyenne de 50 degrés, je crois, un truc comme ça. qui est vraiment, c'est Mars mais sur Terre, et il y a des guerres de gangs qui se passent là-bas, donc c'est un sous-texte, mais c'est absolument, enfin visuellement c'est absolument hallucinant, ça donne envie de voir un film complet à cet endroit-là. Et à la fin du film, on se rend compte qu'il a dépassé son sujet pour prendre d'autres chemins vers d'autres possibilités. Et il s'avère qu'après 1h40, il a réussi à traiter tous ces sujets en un seul et unique film. Et voilà, Herzog, c'est un immense cinéaste. Et je conseille vivement de voir celui-là. Donc Into the Inferno, Au-delà de la fournaise, sur Netflix. Manu. Moi, sans me défausser, je vais faire un petit conseil à choix multiples. Je vais déjà vous conseiller de revoir les précédents films de Stefano Sollima, et notamment aussi sa série, la série sur laquelle il a officié 2 saisons en réalisant tous les épisodes, qui était la série Romanzo Criminale, qui est, je trouve, plus réussie que le film de Michel Placido. Voilà, il y a aussi chez Walsad ou Carlotta ressort un film du papa Sollima, Sergio Sollima, qui est le dernier face-à-face, qui est un des grands, très grands westerns de l'époque, avec Gianmaria Volonté et Thomas Milian. On pourra s'amuser peut-être à y voir des corrélations entre le personnage de Brolin et le personnage de Benicio del Toro. Il y a aussi le futur, puisque là, il est en train de tourner une série tirée du roman de Roberto Saviano, qui s'appelle 000, qui est sur l'économie du trafic de la cocaïne, qui est déjà en sous-texte dans Sicario 2. Je vais revenir plutôt sur le film sur le film de Sollima également, Sicario 2, puisque je vais vous conseiller un film mexicain qui est sorti en 2013 qui s'appelle Rêve d'or, qui n'a pas eu énormément de succès, même si je crois qu'il a eu un prix à un certain regard. Ce film, c'est l'histoire de 3 enfants, enfin un couple d'adolescents qui vivent dans un pays d'Amérique du Sud dont j'ai oublié le nom, qui ont l'ambition de franchir la frontière mexicaine. Le film est quasiment muet et ils vont rencontrer un autre adolescent sur leur chemin, et la jeune fille est obligée à un moment de se grimer en garçon pour essayer d'éviter d'être emporté par les cartels ou le camp d'humains. Dans Sicario 2, j'avais l'impression de revoir ce personnage-là qui était donc dans le Rêve d'or de Diego Quemanda Díez, que je vous encourage à voir. Sur ce, on va se dire au mois prochain. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.